بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في درسنا الرابع في القواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. On commence aujourd'hui le quatrième cours dans les quatre règles de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ra'ayna fi ad-dars al-madi anna Allah ta'ala khalaqana li'ibadatihi. Nous avons vu lors du cours précédent que Allah ta'ala, il nous a créés pour son adoration. Wa wasalna ila qawli al-mu'allif rahimahullah. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل الطهارة. Et certes, nous sommes parvenus à la parole de l'auteur, rahimahullah, lorsqu'il dit « Et si tu as compris que Allah il t'a créé pour son adoration, alors sache que l'adoration n'est appelée adoration qu'avec le monothéisme, qu'avec le tawhid. De la même façon que la salat, la prière, n'est appelée salat qu'avec at-tahara, l'état de purification. » Alors si le polythéisme se mélange à l'adoration, rentre dans l'adoration, alors celle-ci est corrompue, celle-ci devient corrompue. De la même façon que el-hadeth. El-hadeth, ce qui est voulu par el-hadeth, c'est toute cause menant à l'état d'impureté. Mais ce n'est pas l'impureté. El-hadeth, c'est toute cause qui mène à l'état d'impureté. Pourquoi on fait la différence entre les deux? Parce que l'impureté, lorsqu'une impureté se colle à un individu, il y a, on va dire, de l'urine de petit garçon qui est sur le vêtement d'un adulte. Un petit garçon qui se nourrit déjà, qui est sur le vêtement d'un adulte. À ce moment-là, cet adulte qui avait ses ablutions, il n'a pas perdu ses ablutions parce qu'il y a de l'urine sur son vêtement. Il nettoie son vêtement et n'a pas besoin de refaire ses ablutions. Et donc, son état de purification n'est pas corrompu. Donc, el-hadeth, ce n'est pas l'impureté. El-hadeth, c'est la cause menant à l'état d'impureté. Et donc, lorsque le polythéisme se mélange, rentre dans l'acte d'adoration devient corrompu. De la même façon que la cause menant à l'état d'impureté va avoir le même impact sur la salat lorsque il se mélange à celle-ci. C'est-à-dire que la personne qui fait la salat, si pendant la prière elle fait une cause qui mène à l'état d'impureté, cette salat va être caduque. Cette salat va être caduque. La personne qui pendant la salat va avoir un gaz, par exemple, elle va devoir recommencer sa prière. فَالْعِبَادَةُ إِسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَكْوَالِ وَالْأَفْعَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ. Et donc l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. هَذِهِ هِيَ الْعِبَادَةُ كَمَا عَرَّفَهَا شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Et donc voilà l'adoration, comme l'a défini Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah et d'autres parmi les savants. فَإِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ فَهِمْتَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الشِّرْكَ وَلَا يَرْضَاهُ. Et donc si tu as compris cela, tu comprends certes que l'adoration ne peut être correct que avec le monothéisme, que avec l'unicité, car Allah n'aime pas le polythéisme, il ne l'agrée pas. Et on a dit l'adoration, c'est ce que Allah aime et agrée. Et Allah n'aime pas le polythéisme, il ne l'agrée pas. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, Wallahu la yuhibbu dhalimin. Et certes, Allah n'aime pas les injustes. وَالشِّرْكُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ الظُّلْمِ. Et le shirk, le polythéisme, c'est le plus grand des types d'injustice. Le polythéisme est le plus grand des types d'injustice, la plus grande forme d'injustice. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Certes, le polythéisme est une injustice manifeste. Le polythéisme est une injustice manifeste. فَالْعِبَادَ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً إِذَا كَانَ فِيهَا شِرْكٍ كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَكُونُ صَحِيحَةً إِلَّا مَعَ الطَّهَارَةِ. Et donc, l'acte d'adoration ne peut être correct si il est mélangé au polythéisme. De la même façon que la prière ne peut être correcte qu'avec l'état de pureté. Tu ne peux pas faire ta prière sans tes ablutions. فَالصَّلَاةُ لَهَا شُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِهَا. Et donc, la prière, elle a des conditions. Et il est impératif de réunir ces conditions afin que cette prière soit correcte. فَمَنْ صَلَّ دُونَ طَهَارَةٌ طُلِبَ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ. Et donc, la personne qui va prier sans avoir ses ablutions, on va lui demander de refaire sa prière. وَكَذَلِكَ الْعِبَادَةِ بِشَكْلٍ عَامٍ لَهَا شُرُوطٌ لَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِهَا. Et de la même façon, les actes d'adoration de façon générale ont aussi des conditions qu'il est impératif de réunir afin que cet acte d'adoration soit correct. وَشُرُوطُ الْعِبَادَةِ شَرْطَانِ الْإِخْلَاسُ وَالْمُتَابَعَةِ. Et donc les conditions de l'adoration sont au nombre de deux. الإخلاص, le fait d'accorder à Allah un culte exclusif, et donc avoir une intention pure pour Allah Azza wa Jal. المتابعه, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: certes, les œuvres valent en fonction de leurs intentions. Et chaque homme est rétribué, chaque individu est rétribué en fonction de son intention. Donc, il est impératif dans ton acte d'adoration que ton intention soit vouée pour Allah seul. Wa akhraja muslimun fi sahihihi an Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ta'ala man 'amila 'amalan ashraka ma'i fihi ghayri taraktuhu wa shirka. L'imam Muslim il a cité dans son recueil selon Abi Hurayra radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah le Très-Haut a dit, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe avec quiconque, alors je le délaisse lui et son polythéisme. Je le délaisse lui et son polythéisme. Wa akhraj al-Bukhari wa Muslim an Aisha radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. البخاري ومسلم cité dans leur recueil aussi selon Aïcha رضي الله عنها que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui innove dans notre ordre, dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors son acte est rejeté. Alors son acte est rejeté. Et donc ce hadith aussi, il nous montre l'importance du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce que nous accomplissons. Et donc on revient à nos deux conditions. فَالْعِبَادَةُ لَا تُقْبَلُ إِنْ كَانَ فِيهَ الشِّرْكُ أَوْ بِدَعَةٌ. Et donc l'acte d'adoration n'est pas accepté si elle contient du polythéisme ou une innovation. فَحْرِسْ عَلَىٰ أَنْ تَجْمَعَ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ فِي كُلِّ مَا تَكُومُ بِهِ مِنَ الْعِبَادَةِ. Et donc efforce-toi de rassembler ces deux conditions dans chaque acte d'adoration que tu vas accomplir. ثم قال المؤلف رحمه الله فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et ensuite l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: et si tu comprends que le polythéisme, lorsqu'il se mélange à l'adoration, alors il la corrompt et rend les œuvres caduques. Mais aussi son adepte, donc celui qui a commis l'acte de polythéisme, son adepte devient un de ceux qui sera éternellement dans le feu. Si tu comprends tout cela, alors tu comprends que ce qui est le plus important pour toi, ce qui te concerne le plus, est que tu saches cela. C'est-à-dire que tu comprennes qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que l'unicité, qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme. Afin qu'Allah te préserve de ce piège qui est le polythéisme, qui est le fait d'accorder des associés à Allah. Le polythéisme que Allah a dit, a décrit en disant: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et ça, en connaissant quatre règles que Allah a citées, Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Et donc le polythéisme est très dangereux concernant les serviteurs. إذا كان العمل فيه شرك فالعمل لا يكون صحيحا كما رأينا. Si il y a du polythéisme dans les œuvres, alors les œuvres ne sont pas correctes comme nous l'avons vu précédemment. ولكن أشد من ذلك أن الشرك يحبط الأعمال الأخرى التي قام بها العبد. Mais il y a plus grave que cela encore. Ce n'est pas donc seulement l'acte que la personne a accompli qui devient corrompu, mais le polythéisme va rendre caduques toutes les œuvres que cette personne elle a accomplies. Toutes les œuvres que cette personne elle a accomplies. Allah Ta'ala qui dit dans son livre: La in ashratta la yahbatan 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu commets du polythéisme, alors tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. هذا الخطاب من الله تعالى موجه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق فماذا نقول فينا نحن. Cette parole venant d'Allah le Très-Haut s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Alors, que dire de nous? La in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Si tu accomplis du polythéisme, tes œuvres deviendront vaines et tu feras partie des perdants. ذكر الله تعالى في سورة الأنعام عددا من الأنبياء والصالحين. Allah l'a cité dans Surat Al-An'am un nombre de prophètes et de pieux. Et donc il a cité Ibrahim, ainsi que Nuh, Ishaq, Ya'qub, Daoud, Suleyman, Ayyub, Yunus, Moussa, Haroun, Zakaria, Issa, Ilyas, Ismaïl, Al-Yasa, Yunus, Lutan. Il les a cités. وبعدما ذكر هؤلاء وآباءهم وذرياتهم وإخوانهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Et après que Allah il ait cité ceci, ce que donc on a cité précédemment, et qu'il ait dit et qu'il ait fait allusion à leur père, ainsi que leur descendance et leurs frères. Il a dit Allah le Très-Haut après cela, « وَلَوْ أَشْرَكُوا لِحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ » Et s'ils commettaient du polythéisme, ce qu'ils ont accompli serait devenu caduc. S'ils commettaient du polythéisme, ce qu'ils ont accompli serait devenu caduc. فَشِّرْكُ خَطِيرٌ يَا عِبَادَ اللَّهِ. Et donc le polythéisme est dangereux aux serviteurs d'Allah. Allah ici il s'est adressé, il a parlé donc des prophètes. Que devons-nous dire de nos propres personnes, nous ? فَذَكَرَ الشَّيْخُ مُحَمَّدِ ابْنَ الْوَهَّابِ رَحِمَهُ اللَّهِ مَفْسَدَتَيْنَ عَظِيمَتَيْنَ فِي الشِّرْكِ. Et donc le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a cité deux méfaits qu'il y a concernant le polythéisme. أولاً أنه يحبط العمل. Premièrement, le fait que le polythéisme va rendre les œuvres caduques. Premièrement. ثانياً أن صاحبه من الخالدين في النار. Deuxièmement, que son adepte, l'adepte du polythéisme, fera partie de ceux qui resteront éternellement dans le feu. فَإِنَّ الشِّرْكَ لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ. Car le polythéisme, Allah ne le pardonne pas pour celui qui meurt sur cela, qui meurt sans s'être repenti du polythéisme. Allah le Très-Haut qui dit إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. فإن أدركت خطورة الشرك علمت أنه يجب عليك أن تتعلم ما هو حتى تجتنبه. Et donc si tu comprends le danger du polythéisme, il est impératif. Et donc tu comprends aussi qu'il est impératif que tu apprennes ce qu'est le polythéisme afin que tu t'en éloignes. ثم ختم المؤلف هذه المقدمة بقوله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et ensuite l'auteur, il a fini cette introduction en disant, et cela par la connaissance, et donc le fait qu'il est important de connaître le polythéisme, et que c'est possible d'étudier le polythéisme, il dit, et cela par la connaissance de quatre règles que Allah le Très-Haut a citées dans son livre. إذن يمكن للمرء أن يتعلم ما هو الشرك في هذه القواعد التي ذكرها المؤلف رحمه الله. Et donc, il est possible à l'individu d'apprendre qu'est-ce que le polythéisme à travers les quatre règles que l'auteur a citées, qu'Allah lui fasse miséricorde. Comme on a dit précédemment, celui qui comprend ce livre comprend le polythéisme. وهذه القواعد لم يأتي بها المؤلف رحمه الله من عندي. Et donc ces règles, l'auteur ne les a pas ramenées de lui-même. Ces règles, l'auteur ne les a pas ramenées de lui-même. فلم يأتي بمذهب جديد. Et donc il n'est pas venu avec une nouvelle voie. لأنه أخذ هذه القواعد من كتاب الله تعالى كما بينه. Mais il a pris ses règles du livre d'Allah le Très-Haut, comme l'auteur l'a montré clairement dans l'introduction. وهذه هي طريقة أهل العلم أهل السنة أنهم لا يأتون بشيء من عند أنفسهم. Et ça, c'est la méthode, la méthodologie des gens de science, la méthodologie des gens de la sunna, qu'ils ne viennent pas avec quelque chose qui vient d'eux-mêmes. وَإِنَّمَا يَعْتَمِدُونَ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Cependant, ils se basent sur le livre et la sunna. Rappelez-vous, lorsqu'on a vu la parole de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, lorsqu'il avait dit la croyance est l'aqida. La tu'khadhu anni wa amman huwa fawqi. La croyance ne se prend pas de moi ni de personnes qui sont au-dessus de moi. Walakin al-aqida tu'khadh min kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, la croyance, elle se prend du livre d'Allah et de la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est impératif de comprendre cela. Et donc le Cheikh Rahimahullah, il ne nous a pas ramené de nouvelles règles, mais il est venu avec des règles citées dans le livre d'Allah Ta'ala. Des règles qu'on peut lire tous les jours en lisant le Coran, mais qu'on n'y accorde pas forcément de l'importance. Il attire notre attention vers ces quelques versets, afin qu'on y médite. ونكتفي اليوم بهذا القدر. Et donc on va arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, inchallah, on va commencer avec la première règle et on va ensuite enchaîner donc les quatre règles qu'il y a dans ce livre. On demande à Allah Ta'ala qu'il nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.